RQC. Il est 20h. Un animal terrible. Nous en avons connu un en Écosse il y a quelques années. Un canard charmant au demeurant. Oh, puis ne sachant pas quoi faire pour nous faire plaisir, et vraiment se mettant en quatre, les ailes d'un côté, les cuisses de l'autre. N'empêche, il a tout de même fallu l'entamer à la scie circulaire. Bonsoir. Tous les canards vont à la mare et c'est bien fait pour vous. Nous sommes ensemble jusque 22h et ouais, ça fait un bail que nous n'étions plus là. Mais on est de retour. Ça y est. Les maladies sont passées. Les maladies sont passées. On peut retourner s'ébrouer dans la mare. Voilà. Et dans la mare ce soir, on démarre avec un clin d'œil évidemment à Chuck Berry. Chuck Berry qui est parti à l'âge de 90 ans. Et qui a apporté, mine de rien, ben, beaucoup au rock. Voilà, même si lui a toujours prétendu faire du rhythm and blues. Ce qui n'est pas faux du tout d'ailleurs, hein, mais effectivement, c'est un gars qui aura influencé plein de gens dans tous les sens et dans tous les styles de AC/DC à Rolling Stones évidemment, en passant par Led Zepp et j'en passais des meilleurs. Bref, une pierre angulaire de la musique rock. Ouais, quand même. Et donc, des déclinaisons qu'il y a eu par la suite. On a démarré avec son premier 45 tours, figure-toi, enregistré en 1955. Eh ben, ça date. Ça date. Quand même. Maybelline. Bon, au programme ce soir. Album de la semaine. La review de Korenko. Le fil rouge. Ouais. On verra si on s'arrête sur un 45 tours qui craque ou autre chose. Pour l'avant 9h. D'accord. Voilà. Surprise. Surprise. Books on the radio. Ouais, et puis l'archive du dimanche, on va partir en 1983. Ah. J'en dis pas plus pour le moment. Moi, je sais ce que c'est. Voilà. Oh, ben, si vous suivez un peu les réseaux sociaux, normalement, vous savez ce que c'est. Voilà. Normalement, ouais. Facebook / tous les canards, et puis likez, dites j'aime, et puis voilà quoi. C'est ça. Hein ? C'est comme ça qu'il faut faire, normalement. C'est de la com, ouais. Donc, ouais. Ça s'appelle ça de la com. Ah ouais, bah, écoute, je fais un petit peu comme je peux. Hein. Bon. Hein. Allez. L'ironie du primate. Humour Louis-Philippard, le sarcasme prudomesque. Monsieur Laudin, vous faites sans doute autorité en matière de bulldozer, tracteur et caterpillar, mais vos opinions sur la musique moderne et sur l'art en général, je vous conseille de ne les utiliser qu'en suppositoire. Voilà, et encore pour enfants. Album de la semaine donc. Mm-hmm. On va partir à Manchester. Oui. Avec le groupe The Underground Youth. Mm-hmm. Qu'on a déjà passé ici. Absolument. Et ils viennent de sortir un nouvel album. Mm-hmm. Avec un nom encore. Long. Long. Alors, l'album s'appelle What Kind of Dystopian Hellhole Is This? Et boum. Voilà. Bim, bim. Bim, bim. C'est ça, voilà. Avec un magnifique disque, quand même. Ah, c'est ça qu'on voulait savoir. Qui est arrivé à destination aussi. Ah oui, parce que t'as reçu le disque comme ça. J'ai reçu le vinyle. C'est dingue. Donc, pour ceux qui le souhaitent, le vinyle, c'est un vinyle rose bonbon. C'est mignon. Alors, rien à voir avec leur musique. Qui n'est pas très rose bonbon. Ah, pas vraiment. Effectivement. Et plutôt de la couleur habituelle du vinyle. Voilà. Noir. C'est ça. The Underground Youth, qui à la base est quand même un projet solo. Mm-hmm. Créé par Craig Diver en 2008. Ouais. À Manchester. Voilà. Et créé un petit peu dans sa cave. Mm-hmm. Comme le poète un peu torturé qui crée. D'accord. C'est vraiment ça, puisqu'il va dire. Voilà. Donc il crée chez lui pour avoir la liberté de pouvoir se réveiller au milieu de la nuit et aller créer quelque chose sorti de nulle part ailleurs que son propre esprit. Voilà. Pourquoi c'est pas ça, c'est sa femme qui doit être contente. Ouais, bah à mon avis, il n'y en a pas. Et si, parce que sa femme fait partie également du groupe. Ceci explique cela, du coup. Tout à fait. Voilà. Signé chez First Club Records. Dès leur première sortie, un morceau en tout cas et un album qui a fait un grand bruit en tout cas dans le milieu un petit peu underground. Indépendant. Avec Mademoiselle. Hein ? Ouais, je sais, moi aussi. D'accord. Mais apparemment, ça a quand même bien fait sortir les gens de leur trou. Je ne sais pas. Bah oui. Bon. Bah, oui. Voilà, et surtout l'album Haunted. On avait eu le plaisir d'écouter ici. Découvrir, oui, absolument. Tout à fait. Allez, premier extrait pour ce soir. Mm-hmm. On va écouter Half Poison, Half God, The Underground Youth. See in her light, half poison. Half Poison, Half God, extrait de l'album de la semaine The Underground News, avec What Kind of Dystopian Hellhole Is This? Ouais. Belle ambiance aussi, non? Bah oui. Reste dans son ambiance quand même, même un petit peu moins noir que Haunted, qui était... Ouais, c'est ça, moins noir tordu. C'est ça. Là, c'est voilà. Un peu plus noir boisé. On va dire ça comme ça. Sur site qu'on a écouté, c'est quelque chose un peu folkeux comme ça. Ouais, voilà. Presque. C'est, ouais, pas tout à fait quand même. Non, ça me fait penser un peu à... Alors, pas la voix, mais dans les ambiances comme ça, un peu boisées, pour y revenir. Mm-hmm. Les Français de The Enchanted Wood. Ouais, voilà. L'album, il y a quelques années, là, qui était Monster Parade, qui est toujours excellent. Tout à fait. Il l'est toujours. Voilà. Ça me fait penser un peu à cette ambiance-là, à ce monde-là. C'est vrai. On n'en est pas loin. Mm-hmm. Allez, en fait, donc, ils ont signé chez First Club Records et le créateur de ce label a dit qu'en une semaine, il avait eu en fait beaucoup, beaucoup de chance. On se dit que quand on se casse la jambe, c'est synonyme de chance en tout cas. Et il dira donc dans la même semaine, je me suis cassé la jambe, j'ai découvert The Underground News et une galerie m'a fait une offre d'achat sur une gravure de Banksy que je possédais. Bon, bien. Ouais. On comprend mieux pourquoi il a signé et qu'il garde encore The Underground News. Ah bah ouais, ouais. Dans ses petites panates. Dans ses petits papiers. C'est ça, voilà. Voilà. The Underground News, qui est, on a pu l'entendre quand même, fort influencé par Joy Division. Ouais, eux comme d'autres, comme tant d'autres. Bah, oui, qui font ce genre de trucs. Bah, oui. Les Stone Roses. Ouais. Ah ouais, quand même, un ouais, peu. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Mais également de Jesus and Mary Chain et Primal Scream. Ouais, c'est ça, c'est ce monde-là, effectivement. Qui reste souvent des pareils, les influences de beaucoup de groupes... Anglais, voilà. Et mancunien. Et mancunien de surcroît. En plus. Absolument. En plus. Et donc, The Underground News, Craig d'ailleurs, donc, qui est seul, en tout cas pour écrire les morceaux et les composer dans sa cave, mm-hmm. mais qui sur scène emmène donc sa femme. Ah. Voilà, et Livia d'ailleurs. Elle reste pas à sa maison comme ça. Bah non. Bah, je pense que pour avoir un mec comme ça, tu dois toi-même faire partie du monde artistique. Ah, des fois. Des fois, c'est tout à fait le contraire. Ou tout à fait le contraire, il n'y a pas l'entre-deux en tout cas. Mais l'entre-deux, non. non, l'entre-deux et le tiède, ça ne fonctionne pas. Non. Effectivement. Et sur scène, bien sûr, il est accompagné de deux autres musiciens. Mm-hmm. Parce que tout seul, c'est un peu compliqué. Bah, y a toujours plein de choses à faire quand on est sur scène. Donc voilà. Ouais. Ce qui paraît. Sauf quand t'es DJ ou que t'es machin, voilà, que t'es un petit peu bouse-bouton. C'est ça. Je donnerai pas de nom. Tu peux. Mais il y en a plein. Mais je donnerai pas de nom, mais voilà, mais quand tu fais un peu de la musique vivante, voilà, on va dire ça comme ça, ben, il faut effectivement des mains. On peut pas appuyer sur tout et passer toutes les cordes et frapper sur tous les tomes. En même non, temps. En effet. Par exemple. C'est compliqué. Voilà. À moins que tu sois une tarentule. Ouais, ouais, Brica, il a essayé de faire ça. Ça n'a pas trop mal marché, mais bon. Aïe, aïe, aïe. Allez, Craig Diver, qui est grand fan de Bob Dylan, figure-toi. Ouais. Et donc, pourtant, ouais. Il chante bien mieux. C'est pas compliqué facile, non plus. Facile, c'est pas facile, compliqué. J'avoue, facile. C'est pas compliqué. Et qui ramènera en tout cas sur un de ses morceaux et un de ses albums, l'harmonica. De Bob Dylan en tout cas sur cet album là Delirium, mm-hmm. voilà, qui était sorti en 2010. Bien. Allez, deuxième extrait pour ce soir. Second track pour The Underground News et leur album What Kind of Dystopian Hellhole Is This. On va écouter le morceau America. Ça tombe bien. Thank you. tous les canards vont à la mare. Et c'est bien fait pour vous. RQC. Bien. Retour des Chicagoans de Hawks, groupe noise américain forcément, qu'on avait découvert il y a quelques années maintenant. Hein. Je reviens évidemment pas sur leur album précédent, ça c'est toujours un grand classique, c'est toujours comme ça. Mais Hawks qui a donc signé un retour ici en 2017 avec un album qui s'appelle No Cash Values. C'était du vinyle. Pas rose, mais vert pour le coup, vert pomme. Oui, on a changé un petit peu. C'est peut-être le truc du moment. C'est ça, ouais. Ben ouais, on met un peu de couleur dans la vie. Et on en a bien besoin, finalement. Et ça sort chez Learning Curves, c'est leur label, et distribution chez nous par les Parisiens de Réjuvénation Records. Greg, qu'on salue au passage, voilà. Hawks, le retour no cash value, et retour et chant du cygne aussi, puisque le groupe va en rester là, avec cet excellent disque. Bah écoute, termine sur une bonne note. Parce que c'est un excellent disque, voilà. Voilà. Mais tant mieux, tant mieux. Mais si. Il y a beaucoup de groupes qui font l'inverse. C'est vrai, c'est vrai. Vrai. Allez, fil rouge, on continue avec David Bowie, on est bientôt à la fin. Mm-hmm. On avance, et on part en 1997 sur l'album Earthling, qui est un album électro... Best one, bien bien senti. Absolument. Et on retrouvera notamment I'm Afraid of America. Terrible morceau. Terrible morceau, c'est pas celui qu'on écoutera ce soir. Parce que terrible album. On l'a déjà écouté plusieurs fois chez nous. Ouais, pas jamais assez, mais... On aura l'occasion encore. Little Wonder, tout ça quoi. C'est ça. Album incroyable. Et tu dis même pas pourquoi cet album est incroyable, c'est pas pourquoi, possible. Pourquoi? Vas-y, vas-y. Bah, je te laisse, je vois que tu... Non, non, du tout, du tout. C'est ton archive de Monsieur Bowie. Mais vas-y, je t'écoute. Mais c'est parce qu'il s'est bien entouré déjà pour faire ce disque. Voilà, parce que quand même la tournée collégiale avec Nine Inch Nails, bah, ça lui a fait du bien. C'est vraiment l'album où on comprend pourquoi Bowie n'a pas été non, un grand précurseur, machin et tout ça. Du tout, ça donne raison à ceux qui, par exemple comme moi, mais je n'ai pas toujours raison, disent que c'est un gars qui a toujours senti là où le vent tournait. C'est ça. Parce que ce disque est un super best-of de drum and bass. Clairement. D'indus, d'électro, enfin bref, tout ce qui allait bien au milieu des années 90. Bah lui, il a tout pris pour mettre ça en 97. 20 ans. Voilà. 20 ans. Bah oui. 20 ans pour 20 ce ans. Disque. Incroyable. Tout à fait. I'm Afraid of America, qu'on retrouvera notamment dans le film au succès moyen, Showgirls de Paul Verhoeven. Ah bon? Tout à fait. Bon, d'accord. Le gars qui a vu peut-être une fois le film dans sa vie. Non, j'ai pas. De toute façon, vous n'avez rien raté si vous ne l'avez jamais vu. À part voilà. C'est un très bon film, mais qu'on ne comprend pas tout de suite. Non, c'est un très mauvais film. Comme souvent avec Verhoeven. Non, c'est un très mauvais film. Bon. Dans tous on les fera cas. Un débat sur Verhoeven, un de ces quatre. Mais j'ai rien contre Verhoeven. Bon. J'ai juste que ce film-là est assez... Bon. Ennuyant. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, collaboration avec Trent Reznor, comme tu l'as bien dit. Mmh. Voilà. Et qui lui fera, bien sûr, et qui apparaîtra en fait dans un clip de Bowie. Bien. Et c'est ce qui fera notamment le succès de cet album Earthling et aussi sa reprise de Perfect Day sur la BBC au même moment. D'accord. Voilà, bon. C'était pour la BBC, c'était Children in Need, qui est une fondation pour les enfants dans le besoin, comme ça le dit bien. D'accord. Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Voilà. Allez, extrait de cet album Earthling, on va écouter The Last Thing You Should Do. Ah bah hé. Bah oui. Hein? Bah oui. Bah voilà. Kiss to me. It's the safest thing to do.